Oye, Cholo, ¿qué pasa, chico? ¿Qué estás haciendo, cabrón? Te voy saliendo toda la noche fumando porro y todo. Je refuse de me remettre en question, je tourne en rond depuis quelques semaines. Sans oubli de faire attention, le vice ne me lâche plus d'une seule mêle. J'essaie de rester moi-même, gros, j'oublierai mes échecs, c'est pas grave. Ceux qui me rappellent, c'est dans le passé, je compte bien leur laisser les balades. J'ai trop de conscience, je m'éclaterai pas dans le virage. C'est fini, je donnerai plus ma confiance à des putains de mirages. J'attends pas de miracle, putain, j'ai trop de rage, sa mère. Les wacks ou les pirates, mais prennent vite peur quand l'orage s'amène. Laissez-moi dans ma bulle, d'accord, j'suis plus tranquille ici. J'suis plus moi quand j'abuse d'alcool et de substances illicites. Les yeux rouges vifs, pas de soirée, j'barotais dans la ville. Faut que je bouge vite avant de passer à côté de ma vie. Chaque soir j'défie le diable, j'côtoie les ténèbres. J'me cache derrière un masque en rêvant d'être célèbre. Les déceptions, j'm'en fous, ça me fait plus trop peur. J'ai trop de bâtons dans les roues et de cicatrices de plus au cœur. Dans la vie, rien n'est facile, non, le temps fait bien son taf. On trouve la violence fascinante, pour trois fois rien, on se tape. Instable, certains fument de l'herbe et d'autres aiment trop la tise. On se met dans la mer en essayant de zapper nos traumatismes. Taf dur, pas de boss, prêt à tout pour la place du roi. Pendant que le félin se repose, le vautour vient lui voler sa proie. On aime le business, on pense que tout peut s'acheter. Mais y'a trop de fils, mec, beaucoup font preuve de lâcheté. Il se passe des trucs immoraux, les démons mettent à prix nos têtes. Ouais, je te rappelle que dans cette vie morose, personne n'est immortel. Je suis entre mes phrases, mes graphes et mes addictions. Vite, parce que le message c'est grave, j'ai des sales visions. Eh, j'en fais pas trop, non, c'est réel, des talents en vitesse. Un flow 100 fois plus violent qu'un CRS en état d'ivresse. Petit bâtard, écoute ça, j'découpe sale des bouts de phrases. Mon rap inflige au couche tard et touche car des couches lasses. Ma plume est tranchante, pire qu'une lame de rasoir. L'absence de changement alourdit ma haine chaque soir. Ah, là c'est le décollage, j'ai utilisé trop d'alcool car le soir on se perd dans décollage. Des flashs, whisky, coca-cola, j'me vois mal, anti-biche. Trop de vices illicites, merde dans le crâne, t'es litige. Lucifer me rend visite ici même. Yeah. Oye, Tony, no te pases pendejo, que tienes toda la vida. No te pongas así, somos juntos, cabrón. Y yo, tú lo sabes, despiértate, la gente te espera. De la rue faudrait que je m'écarte. Je vais sûrement pas y passer 10 ans. Putain de merde, après les cartes, j'ai sûrement dans la femme mes 10 ans. Si tu demandes qui en a marre, je lèverai le doigt, mec. C'est quelqu'un qui me veut du mal, c'est sûrement moi-même. Les flammes m'entourent, je vais là où y'a du bif à prendre, mec. J'attendrai pas mon tour, non, j'aime pas trop les files d'attente. Ouais, ma gueule se casserait les barrières en douce. J'aubernique le bluff, je lancerai ma carrière sur un coup de poker. Pas le temps de repousser, putain, je me rapproche du vide. Là, c'est le moment de pousser le truc, faut tout niquer au plus vite. J'fais bouger la tête des lascars et pas le boule des grosses folasses. Pendant que des fois MC joue les stars, moi j'trouve les bonnes au gaz. Des soirs à froid, c'est les bases pour écraser les wacks. Merde, la boîte me dépasse, plus rien ne sert de croiser les wacks. Là, j'aimerais qu'on me dépose, j'sais pas où ce transformant mène. La vengeance remplace les roses quand l'amour se transforme en haine. J'suis qu'un gosse à problème, m'en fous que tu t'intéresses à WAM. J'sais plus trop quoi faire le samedi, j'passe des soirées de merde à boire. J'en crois plus mes oreilles, faudrait qu'on me raisonne, mec. C'est triste, les histoires d'oseille mènent parfois des obsèques. J'aimerais te parler d'autre chose, sa mère, j'ai fait trop de fautes. Ressons comme un croque-mort, j'crache ma haine dans le bloc-note. J'vois que les gens sont fourbes et qu'on doit par intérêt. Ces fils de pute me rendent fou, mais gros j'me retiens de les enterrer. J'veux détourner la diligence, seul dans un vide immense. Trop de vigilance, car j'ai compris que la vie n'offrait pas 10 000 chances. Jamais assez du sang, les pages remplacent les traitements. J'rappe jusqu'à cracher du sang, de la turpin sur les vêtements. Non j'fais pas ça bêtement, j'attends pas qu'on me laisse monter. Marqué au rap maintenant, j'attends plus que la pièce montée. Ouais. Ouais ouais, j'attends plus que la pièce montée. Marqué au rap maintenant, j'attends plus que la pièce montée. Ya, pues ya está, chico. Te entiendo. Sígueme. Vamos a volver una tequila por ahí. Ya está. De puta madre.